Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EJT Sport, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité sportive et entièrement réalisé par des étudiants de l'EJT. À résultat exceptionnel, émission exceptionnelle, suite à la victoire historique du Toulouse Football Club contre le FC Nantes en finale de Coupe de France, ce 26e épisode traitera exclusivement du succès toulousain. Mais pas d'inquiétude, vous retrouverez toutes vos chroniques habituelles. La forme reste la même, seul le fond change. Un fond qui arbore aujourd'hui de bien beaux reflets violets. Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour Yoann Carré. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Et on part de suite au Capitole. Après la défaite du Stade Toulousain, le TFC se devait de redonner le sourire à la Ville Rose. Et on peut dire que l'objectif a été rempli. Un reportage sur place d'Alexandre Rubin. À quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance monte au Capitole et les Toulousains ont déjà quelques idées de pronostics. Alors moi je prends le prono de 3-0 pour Toulouse. En vrai je vois bien le milieu marqué et après je m'attends à tout. La surprise. Peut-être un défenseur sur corner. Peut-être un défenseur, une tête, ce serait sympa. Début du match à Toulouse, après seulement 3 minutes 30 de jeu, premier corner pour le TFC. Vandenbomen trouve la tête de Logan Costa au 5-50. Alban Lafont est battu, le Capitole explose une première fois. Six minutes plus tard, coup franc pour les violets, là encore tiré par Branko Vandenbomen, le ballon atterrit au deuxième poteau avant d'être remis dans le centre par Spierings. Costa est encore bien placé, doublé, et les Canaris voient jaune. Allez dehors les jaunes ! Mi-temps 4-0 pour le TFC. Le doublé de Costa est complété par un doublé de Dalinga. Toulouse est la première équipe à inscrire au moins 4 buts en première période de Coupe de France depuis Lille contre Bordeaux. C'était le 29 mai 1955. 4-0 à la mi-temps, c'est incroyable. On les mange le jaune. On le boit le jaune. Surtout quand on sait que Nantes a gagné la Coupe de France l'an dernier. Nantes qui a accroché la Juventus cette année, qui a fait une Europa League. C'est historique, 4-0 c'est historique. Il voit pas le jour là. Vous espérez quoi en deuxième mi-temps maintenant? 7-0. On va pas se mentir. Je pense que Nantes ils ont plus rien à perdre. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir le capot derrière. Pourquoi pas mettre un 5 et un 6ème derrière? Et qu'on se le dise, c'est du tennis à Toulouse. Et c'est fait, victoire 5-1. Le TFC remporte la Coupe de France 66 ans après son dernier sacre, c'était en 1957. On a donné la raclée aux Canaris, le Canari est mort ce soir. C'est historique pour le club, c'est historique pour le peuple toulousain, et on espère jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Ben, qu'est-ce que je te dis, c'est génial, t'arrives à Ligue 2 l'année dernière, t'es promu, t'arrives, tu vas en finale de la Coupe de France, tu gagnes 5-1, laisse tomber. Non, j'ai pas les mots. On voulait venir ici, on savait pas trop, et là, c'est incroyable. Il y a de l'émotion ce soir. Mais de fond, j'y crois pas. Une victoire qui permet aux Toulousains de se qualifier en Europa League. Et une chose est sûre, on a déjà hâte de les voir jouer dans cette compétition. Le lendemain, plus de 20 000 personnes se sont rassemblées sur une place du Capitole bondée pour accueillir nos héros violets et admirer la tant attendue Coupe de France. Mesdames, messieurs, prosternez-vous. C'est bien fait. Extraordinaire. Extraordinaire, ma bien joué. Mon objectif prochain, c'est de tout soulever. Corentin Mog, le TFC s'est donc imposé au terme des 90 minutes de jeu face à Nantes. Mais en réalité, il lui en a seulement fallu 30 pour valider son succès. Il est 21h32 samedi soir, le chrono affiche 31 minutes de jeu tout pile, et le TFC mène 4-0. Chaque personne qui regarde cette finale, qu'elle soit toulousaine, nantaise ou simple spectatrice, est complètement abasourdie. Personne ne peut comprendre ce qui est en train de se passer. Comment une équipe qui joue en deuxième division il y a un an vient de claquer 4 buts en finale de Coupe de France face au tenant du titre? 4 buts en 30 minutes, personne ne l'avait fait depuis le Red Star en 1923, qui en avait inscrit autant en 17 minutes, c'est dire la portée de l'exploit réalisé par les Toulousains. Un exploit d'autant plus retentissant que Nantes avait l'avantage de l'expérience. Alors, il pleuvait au Capitole samedi, donc on pouvait quand même s'attendre à une tempête toulousaine, mais peut-être pas dans ces proportions-là. Car si Nantes n'était peut-être pas forcément favori, les Canaris avaient des arguments à faire valoir. L'expérience de la finale remportée l'année dernière déjà, un coach aussi Antoine Comboiré qui en a déjà remporté deux, et puis surtout un Stade de France complètement acquis à la cause nantaise, l'affiche se devait d'être au moins tendue. Après le match, le président du TFC, Damien Comolli, a révélé que les Toulousains préparaient cette finale depuis leur victoire 6-1 contre Rodez en quart de finale il y a deux mois. Toulouse n'a donc rien laissé au hasard et arrivé avec de claires intentions. Alors, se préparer une finale quand on n'est pas encore qualifié, c'est sûr que ça peut paraître un peu présomptueux pour certains. Mais en fait, très vite, le TFC a fait de la Coupe de France un objectif. Pourquoi ? Parce que le maintien est quasiment assuré pour les violets, à la différence par exemple des Nantais. Se préparer à une finale, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord toute la logistique de réservation de terrain ou d'hôtel pour éviter de perdre de l'énergie plus tard. Mais c'est surtout préparer les joueurs à un événement comme ça. Comolli s'est par exemple inspiré de Fabien Galthié, coach de l'équipe de France de rugby, en inventant une dizaine de potentiels scénarios de match pour voir comment les joueurs peuvent s'adapter. Et finalement, ces 30 premières minutes semblent presque irréelles. Hein. On avait du mal à se dire que le match avait réellement débuté. Ça a été un moment hors du temps, un moment que l'on ne revivra peut-être jamais. Un beau clin d'œil aussi à la Coupe de France 1957, où le TFC s'était imposé en marquant 3 buts en 30 minutes. Damien Comolli pouvait prévoir tous les scénarios qu'il voulait. Personne ne pouvait imaginer ce tsunami. Nantes va devoir rapidement se relever de cette humiliation s'il ne veut pas dire au revoir également à la Ligue 1. Un match ultra important l'attend mercredi soir à Brest, le premier relégable en championnat. Logan Costa, double buteur ce samedi pour la victoire du TEF, est un véritable homme de coupe. Hugo Laborde, tu nous retraces sa saison en pointillé. Deux coups de casque dévastateurs, le TEF mène déjà 2-0 à la 10e minute et c'est Logan Costa qui s'est mué en serial buteur. Il est d'ailleurs le deuxième défenseur à avoir inscrit un doublé en finale de la Coupe de France après Émile Fiévé de l'Olympique de Pantin. Mais pourtant sa titularisation peut surprendre aux premiers abords. La concurrence est rude en défense centrale. Logan Costa a souvent été le troisième choix. Il n'a joué que 3 matchs de championnat cette année et a même évolué une rencontre en National 3. Et malgré son peu de temps de jeu en championnat, Philippe Montagnier lui a accordé sa confiance pour cette finale. En fait, à l'image de Kjetil Haug, Montagnier a ouvert son groupe tout au long de la compétition et a gardé sa ligne de conduite. L'objectif, c'était d'abord de se maintenir, et Costa en Coupe de France, c'est 6 matchs, 6 titularisations. De Lannion au Stade de France, il a manqué que 8 petites minutes. Ses prestations dans l'épopée violette lui ont même permis de devenir international avec son pays d'origine, le Cap-Vert. Et une montée en puissance qui pourrait donner quelques idées au coach toulousain pour les 6 derniers matchs de championnat. Vous voulez moins siffler ? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Who the fuck is that guy ? Tout ce truc-là de PlayStation, mais je vais t'envoyer à l'hôpital. Un titre de champion de Ligue 2 l'an passé, un maintien quasiment assuré à 6 matchs de la fin de la saison et une Coupe de France remportée après 66 ans de disette, tout semble sourire au TFC de Philippe Montagnier. Une réussite qui nous pousse à se poser une question un poil chauvine, on l'avoue, mais pas si délirante. Philippe Montagnier est-il actuellement le meilleur coach de Ligue 1 ? Deux de nos chroniqueurs sont en désaccord, c'est oui pour Clément, non pour Mathieu. Messieurs, vous avez 45 secondes chacun pour exposer vos arguments. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer ? Ouais, je veux bien commencer. Ça va être Clément. Du coup, Clément, tu as 45 secondes. Mais déjà, il faut presque le rappeler, le TFC est un promu de Ligue 2. Parce que quand on voit comment ça joue, on a parfois tendance à l'oublier. Toulouse, cette année, c'est une vraie mixtape. Une mixtape d'ailleurs publiée aujourd'hui par la Ligue, avec un florilège de buts qui donne presque envie de démocratiser l'appellation Montagnier Ball. Sortie de balle depuis la défense, jeu simple et positif, les attaques sont variées, les latéraux se permettent de jouer haut, et on alterne entre combinaison et grande transversale de Branco. Un jeu positif qui fait plaisir à voir pour un promu. Et bien sûr, la régularité n'est pas toujours au rendez-vous, et quand la machine ronronne, les matchs sont un peu longs, faut l'admettre, mais il y a une vraie patte Montagnier sur le jeu du TEF cette année. C'est aussi un entraîneur exigeant, il sait transmettre sa confiance à ses joueurs et fédérer derrière lui. Ça, tu le sens en conférence de presse. Quand c'était compliqué, et c'était pas les points le problème, c'était l'état d'esprit et le jeu. Et quand ça gagnait pas pendant 4 ou 5 matchs, pas de panique, il sait ce dont il est capable. Merci Clément. Mathieu, ça va être à toi, 45 secondes. Alors Montagnier, meilleur coach de Ligue 1, je dis non. Alors oui, on peut dire que Toulouse, ça joue bien, ça joue beau. Quand ça clique, c'est exceptionnel, hein, c'est spectaculaire. Mais Toulouse, c'est pas une équipe qui est sans défaut. C'est une équipe qui est poreuse. On parle de la 6e pire défense de Ligue 1. Et bon, bah, c'est aussi une équipe avec un goal average négatif. Tu veux vraiment un coach à la tête d'une équipe avec un goal average négatif en meilleur coach de Ligue 1? Puis Montagnier, c'est pas le seul à crever l'écran cette année. Moi, je pense à Igor Tudor ou à Philippe Clément en haut du classement avec Marseille et Monaco. Je pense aux surprises Will Steele ou Régis Lebris avec Reims et Lorient. Et même, pour moi, le coach de l'année, c'est Frank Hayes. Je pense que c'est une évidence. L'entraîneur de Lens propose un jeu cohérent, c'est une équipe plus complète, plus constante, qui impressionne. Et quand tu parachutes ton club sur le podium avec la concurrence de clubs comme Marseille, Monaco ou Lyon, ben moi je dis chapeau et je donne le trophée. C'est bon, vous avez gratté tous les deux vos 5 secondes, on va passer aux réponses. Cette fois-ci, c'est 30 secondes chacun, tu peux y aller Clément. Non mais je suis d'accord, Frank Hayes et Tudor à Marseille, ça bosse super bien, mais les effectifs, surtout celui de Marseille, sont à des années-lumière de celui du TEF. Si on se décolle un peu du classement de Ligue 1 et qu'on regarde purement ce qu'ont fait les clubs avec leurs moyens, Montagnier coach de l'année, pour moi, c'est pas une honte. Et un dernier argument, quand je dis qu'il connaît bien son groupe, en finale, il y a 2-0 à 10 minutes de jeu, qui c'est qui marque? C'est Logan Costa qui plante son doublé. Costa, c'est seulement 3 matchs en Ligue 1, mais il a fait toute la campagne de Coupe de France. Donc lui, il place son équipe sur la voie royale pour le titre. En face, t'as Nantes, équipe comparable, même si ça travaille beaucoup moins bien, qui prend le bouillon pendant 45 minutes. Merci Clément. Et Mathieu, c'est à toi de conclure, 30 secondes. On parlait de budget, on parlait de moyens. Lens, c'est 50 millions de budget. Marseille, c'est 200 millions. À 4 de différence, ouais, c'est 4 fois plus, alors qu'ils rivalisent entre les deux. Donc franchement, Lens fait le taf avec justement ses moyens du bord. Et tu me parlais de promu tout à l'heure qui performe. Dès son arrivée à l'élite, notamment, c'est déjà arrivé. En 2019, Nîmes avait fini 9e. Je suis pas sûr que Bernard Blancard, à l'époque, c'était l'entraîneur de l'année. Donc franchement, je pense que des promus, il y en a. Ça fait pas forcément de leur coach le meilleur de la Ligue 1. Il n'y a pas eu de titre. Merci messieurs, tu n'as plus le droit à la réponse Clément. Vous allez pouvoir faire votre choix en story Instagram sur le compte de JT Sport. Vous allez voter pour qui vous a le plus convaincu. Est-ce que c'est Clément, oui, ou est-ce que c'est Mathieu, non? Et on reçoit tout de suite Thomas pour la question de la semaine. Thomas, tu peux y aller. Bonjour Tristan, bonjour à tous. Ce petit quiz sur la finale de samedi, plus précisément sur les joueurs. Philippe Montagnier a aligné un 11 de départ avec 8 nationalités côté Haut-Garonnais. Pouvez-vous me citer les joueurs de ces 8 pays, ainsi que ceux de l'équipe nantaise? On commence avec le 11 du TFC. Cap-Vert. C'est une bonne réponse. Danois, Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen est une bonne réponse également. C'est un Norvégien, je crois, le gardien. Qui est-il Og est Norvégien aussi, c'est une bonne réponse également. Aboukhlal, le Marocain, est auteur du 5e but. Il est passé par le PSV Eindhoven ou encore le AZ Alkmaar avant de rejoindre Toulouse en 2022. Petit Fares algérien. Algérien, oui. Issu du centre de formation de Lyon, il est arrivé à Toulouse en 2019. C'est une bonne réponse. Franco, néerlandais. Franco est une bonne réponse également. Spierings aussi. Spierings également est néerlandais. De Jager, je crois qu'il est belge. Oui, c'est ça, il est belge. Il est passé par le KV Courtrai, la Gantoise. Il est arrivé à Toulouse en 2020. Gabriel Soiseau, chilien. C'est une bonne réponse. Dessler. Ah oui, Mikkel Dessler. Dessler, danois, c'est une bonne réponse. Il vous en manque un. Le central. On a parlé de Dalinga. C'est Dalinga qui manquait, c'est une bonne réponse. On passe donc de suite au 11 de Nantes. Messieurs, qui veut se lancer? Nico Palois, le français? Non, c'était les étrangers. Nico Palois est une bonne réponse. Ouais. Il faut dire l'onde? Oui. Et Lafont, Blas, c'est français. Français également, ici du centre de formation de Toulouse. Il a joué avec les Violets de 2015 à 2018. Après un court passage en Italie, il a rejoint Nantes en 2019. L'attaquant de pointe, c'était Mostafa Mohamed? Oui, et il est... Égyptien. Égyptien, c'est une bonne réponse. Sissoko aussi, français. Sissoko également. Également formé à Toulouse, il quitte le TFC en 2013 pour rejoindre l'Angleterre. Il est arrivé l'an dernier avec les Canaries. Le latéral gauche, c'est João Victor, brésilien, c'est ça? João Victor, c'est une bonne réponse. Giroto. Giroto? C'est pas le latéral gauche, Giroto. Ok. Giroto, oui. Oui, pardon. C'est une bonne réponse également. Et avec qui? Et Castelletto aussi, en centrale? Cameroun. Camerounais. Il en manque combien? Il en manque 3. On a parlé de Florian Mollet? Non, Florian Mollet. Français, du coup. Français, c'est une bonne réponse. Il y avait Quentin Merlin aussi, non? Non, il y avait Santos français. Santos français, c'est une bonne réponse. Il est passé notamment par Lens et Metz avant de rejoindre Nantes. Ouais, il nous a manqué un forcément. Deux. C'est quoi les postes, s'il te plaît? Il y en a un ailier, je crois. Tu peux donner les noms et on trouve les nationalités? Moss. J'en ai un, c'est Moses Simon. Ouais. Ah oui, Nigérian. Nigérian, et donc il vous en manque un. Bla. Et le poste, c'est quoi? C'est Bla. Non, c'est Blas, on l'a dit tout à l'heure. Ah, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, ça a été les deux avec Lafont, il me semble. Mais merci beaucoup Thomas pour cette question et merci à tous les chroniqueurs pour leur participation à cette émission spéciale. Merci également à Pierre à la régie. Enfin, merci aux joueurs du TFC pour les émotions transmises cette saison et encore un grand bravo pour ce titre en Coupe de France. Rappelons que Toulouse reçoit Lens ce soir à 21h dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre que Pierre Coplo et Benjamin Abgral vous feront vivre en direct du stadium sur notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve encore une fois mardi prochain pour un nouveau numéro de JT Sport.